13e chapitre. Dieu sait à quelle heure Fritz s'endormit cette nuit-là, mais il faisait grand jour lorsque Cattle entra dans sa chambre et qu'elle vit les persiennes fermées. « C'est toi, Cattle ? » dit-il en se détirant les bras. « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Le père Christel vient vous voir, monsieur. Il attend depuis une demi-heure. »« Ah ! Le père Christel est là ? » ?»« Eh bien, qu'il entre ! » « Entrez donc, Christel !» Cattle pousse les volets. « Eh, bonjour, bonjour, père Christel, tiens, tiens, c'est vous » fit-il en serrant les deux mains du vieil anabaptiste, debout devant son lit, avec sa barbe grisonnante et son grand feutre noir. Il le regardait, la face épanouie. Christel était tout étonné d'un accueil si enthousiaste. « Oui, monsieur Cobus, » dit-il en souriant, « j'arrive de la ferme, pour vous apporter un petit panier de cerises. Vous savez, de ces cerises croquantes du cerisier derrière le hangar que vous avez planté vous-même il y a 12 ans. » Alors Fritz vit sur la table une corbeille de cerises rangées et serrées avec soin dans de grandes feuilles de fraisier qui pendaient tout autour. Elles étaient si fraîches, si appétissantes et si belles qu'il en fut émerveillé. « Ah, c'est bon, oui, j'aime beaucoup ces cerises-là » s'écria-t-il. « Comment, vous avez pensé à moi, père Christel ?»« C'est la petite Suzel, » répondit le fermier. « Elle n'avait pas de cesse et pas de repos. Tous les jours, elle allait voir le cerisier et disait « Quand vous irez à Hunebourg, mon père, les cerises sont mûres. Vous savez que monsieur Cobus les aime. » Enfin, hier soir, je lui ai dit « J'irai demain. » Et ce matin, au petit jour, elle a pris l'échelle et elle est allée les cueillir. Fritz, à chaque parole du père Christel, sentait comme un baume rafraîchissant s'étendre dans tout son corps. Il aurait voulu embrasser le brave homme, mais il se contint et s'écria « Cattle, apporte donc ces cerises par ici que je les goûte !» Et Cattle les ayant apportées, il les admira d'abord. Il lui semblait voir Suzel étendre ses feuilles vertes au fond de la corbeille, puis déposer les cerises dessus, ce qui lui procurait une satisfaction intérieure et même un attendrissement qu'on ne pourrait croire. Enfin, il les goûta, les savourant lentement et avalant les noyaux. « Comme c'est frais !» disait-il. « Comme c'est ferme, ces cerises qui viennent de l'arbre !» On n'en trouve pas de pareil sur le marché. C'est encore plein de rosée et ça conserve tout son goût naturel, toute sa force et toute sa vie. Christel le regardait d'un air joyeux. « Vous aimez bien les cerises » fit-il. « Oui, c'est mon bonheur, mais asseyez-vous donc, asseyez-vous » Il posa la corbeille sur le lit entre ses genoux et tout en causant, il prenait de temps en temps une cerise et la savourait les yeux comme trouble de plaisir. « Ainsi, père Christel, reprit-il, tout le monde se porte bien chez vous, la mère Orschel ?»« Très bien, monsieur Cobus. »« Et Suzel aussi ?»« Oui, Dieu merci, tout va bien. Depuis quelques jours, Suzel paraît seulement un peu triste. Je la croyais malade, mais c'est l'âge qui fait cela, monsieur Cobus. Les enfants deviennent rêveurs à cet âge. » Fritz, se rappelant la scène du clavecin, devint tout rouge et dit en toussant « C'est bon, oui, oui. Tiens, Cattle, mets ces cerises dans l'armoire. Je serai capable de les manger toutes avant le dîner. Faites excuse, père Christel, il faut que je m'habille. » « Ne vous gênez pas, monsieur Cobus, ne vous gênez pas. » Tout en s'habillant, Fritz reprit « Mais vous n'arrivez pas de Meisenthal seulement pour m'apporter des cerises. » « Ah non, j'ai d'autres affaires en ville. Vous savez, quand vous êtes venu la dernière fois à la ferme, je vous ai montré 2 bœufs à l'engrais. Quelques jours après votre départ, Schmoulet les a achetés. Nous sommes tombés d'accord à 350 florins. Il devait les prendre le 1er juin ou me payer un florin pour chaque jour de retard. Mais voilà bientôt 3 semaines qu'il me laisse ses bêtes à l'écurie. Suzel est allé lui dire que cela m'ennuyait beaucoup et comme il ne répondait pas, je l'ai fait assigner devant le juge de paix. Il n'a pas nié d'avoir acheté les bœufs, mais il a dit que rien n'était convenu pour la livraison ni sur le prix des jours de retard. Et comme le juge n'avait pas d'autres preuves, il a déféré le serment à Schmoulé, qui doit le prêter aujourd'hui à 10 heures, entre les mains du vieux Rebbe David Zichel, car les Juifs ont leur manière de prêter serment. « Ah bon ?» fit Kobus, qui venait de mettre sa capote et décrochait son feutre. « Voici bientôt 10 heures. Je vous accompagne chez David, et aussitôt après nous reviendrons dîner. Vous dînez avec moi. Oh, monsieur Kobus, j'ai mes chevaux à l'auberge du Bœuf Rouge. Bah, vous dînerez avec moi. Kadel, tu nous feras un bon dîner. J'ai du plaisir à vous voir, Christel. » Ils sortirent. Tout en marchant, Fritz se disait en lui-même. « N'est-ce pas étonnant? Ce matin, je rêvais de Suzel, et voilà que son père m'apporte des cerises qu'elle a cueillies pour moi. C'est merveilleux, merveilleux !» Et la joie intérieure rayonnait sur sa figure. Il reconnaissait en ces choses le doigt de Dieu. Quelques instants après, ils arrivèrent dans la cour de l'antique synagogue. Le vieux mendiant Franzose était là, sa sébile de bois sur les genoux. Kobus, dans son ravissement, y jeta un florin, et le père Christel pensa qu'il était généreux et bon. Franzose leva sur lui des yeux tout surpris, mais il ne le regardait pas. Il marchait la tête haute et riante, et s'abandonnait au bonheur d'avoir près de lui le père de la petite Suzel. C'était comme un souffle du Maisental dans ses hautes bâtisses sombres, un vrai rayon du ciel. Comme pourtant les hommes ont des idées étranges, ce vieil anabaptiste qui, 2 ou 3 mois avant, lui produisait l'effet d'un honnête paysan et rien de plus, à cette heure, il l'aimait, il lui trouvait de l'esprit et bien d'autres qualités qu'il n'avait pas reconnues jusqu'alors. Il prenait fait et cause pour lui et s'indignait contre Schmoulé. Cependant, le vieux Rebbe David, debout à sa fenêtre ouverte, attendait déjà Christel, Schmoulé et le greffier de la justice de paix. La vue de Kobus lui fit plaisir. « Et te voilà, Chaudé !» s'écria-t-il de loin. « Depuis 8 jours, on ne te voit plus. »« Oui, David, c'est moi !» dit Fritz en s'arrêtant à la fenêtre. « Je t'amène Christel, mon fermier, un brave homme, et dont je réponds comme de moi-même. Il est incapable d'avancer ce qui n'est pas. » « Bon, bon !» interrompit David. « Je le connais depuis longtemps. Entrez, entrez. Les autres ne peuvent tarder à venir. Voici 10 heures qui sonnent. » Le vieux David était dans sa grande capote brune, luisant au coude. Une calotte de velours noir coiffait le derrière de son crâne chauve. Quelques cheveux gris voltigeaient autour. Sa figure maigre et jaune, plissée de petites rides innombrables, avait un caractère rêveur comme au jour du Kippour. Journée de jeûne et d'expiation chez les Juifs. « Tu ne t'habilles donc pas ?» lui demanda Fritz. « Non, c'est inutile. Asseyez-vous. » Ils s'assirent. La vieille Zourlé regarda par la porte de la cuisine entr'ouverte et dit « Bonjour, monsieur Kobus. »« Bonjour, Zourlé, bonjour. Vous n'entrez pas ?»« Tout à l'heure, » fit-elle. « Je viendrai. » »« Je n'ai pas besoin de te dire, David, » reprit Fritz. « Que pour moi, Christel a raison, et que j'en répondrai sur ma propre tête. »« Bon, je sais tout cela, » dit le vieux Rebbe, « et je sais aussi que Schmoulé est fin, très fin, trop fin même. Mais ne causons pas de ces choses. J'ai reçu la signification depuis 3 jours. J'ai réfléchi sur cette affaire, et tenez, les voici. » Schmoulé, avec son grand nez en bec de vautour, ses cheveux d'un roux ardent, la petite blouse serrée aux reins par une corde et la casquette plate sur les yeux, traversait alors la cour d'un air insouciant. Derrière lui marchait le secrétaire Schwan, le chapeau en tuyau de poil tout droit sur sa grosse figure bourgeonnée et le registre sous le bras. 1 minute après, ils entrèrent dans la salle. David leur dit gravement « Asseyez-vous, messieurs !» Puis il alla lui-même rouvrir la porte que Schwan avait fermée par mégarde et dit « Les prestations de serment doivent être publiques. » Il prit dans un placard une grosse Bible à couvercle de bois, les tranches rouges et les pages usées par le pouce. Il l'ouvrit sur la table et s'assit dans son grand fauteuil de cuir. Il y avait alors quelque chose de grave dans toute sa personne et de méditatif. Les autres attendaient. Pendant qu'il feuilletait le livre, Zourlé entra et se tint debout derrière le fauteuil. Un ou deux passants, arrêtés sur l'escalier sombre de la rue des Juifs, regardaient d'un air curieux. Le silence durait depuis quelques minutes et chacun avait eu le temps de réfléchir lorsque David, levant la tête et posant la main sur le livre, dit « Monsieur le juge de paix Richter a déféré le serment à Isaac Schmoule, marchand de bétail, sur cette question. Est-il vrai qu'il a été convenu entre Isaac Schmoule et Hans Christel que Schmoule viendrait prendre dans la huitaine une paire de bœufs achetés par lui le 22 mai dernier et que, faute de venir, il paierait à Christel, pour chaque jour de retard, un florin comme dédommagement de la nourriture des bœufs. Est-ce cela ? C'est cela, dit Schmoule et l'anabaptiste ensemble. Il ne s'agit donc plus que de savoir si Schmoule consent à prêter serment. Je suis venu pour ça, dit Schmoule tranquillement, et je suis prêt. Un instant, interrompit le vieux rébé en levant la main. Un instant. Mon devoir, avant de recevoir un acte pareil, l'un des plus saints, des plus sacrés de notre religion, est d'en rappeler l'importance à Schmoule. Alors, d'une voix grave, il se mit à lire. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne diras point de faux témoignages. Puis, plus loin, il lut encore du même ton solennel. Quand il sera question de quelque chose où il y ait doute, touchant un bœuf ou un âne ou un menu bétail ou un habit ou toute autre chose, la cause des deux parties sera portée devant le juge et le serment de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Schmoule, en cet instant, voulut parler. Mais pour la seconde fois, David lui fit signe de se taire et dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » « Tu ne porteras point de faux témoignages. Ce sont deux commandements de Dieu que tout le peuple d'Israël entendit parmi les tonnerres et les éclairs, tremblant et se tenant au loin dans le désert du Sinaï. Et voici maintenant ce que dit l'Éternel à celui qui viole ses commandements. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à ce que je te prescris aujourd'hui, les cieux qui sont sur ta tête seront d'airain, et la terre qui est sous tes pieds sera de fer. L'Éternel te donnera, au lieu de pluie, de la poussière et de la cendre. L'Éternel te frappera, toi et ta postérité, de plaies étranges, de plaies grandes et de durée, de maladies malignes et de durée. L'étranger montera au-dessus de toi fort haut, et tu descendras fort bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras point. L'Éternel enverra sur toi la malédiction et la ruine de toutes les choses où tu mettras la main et que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Tes filles et tes fils seront livrés à l'étranger et tes yeux le verront et se consumeront tout le jour en regardant vers eux et ta main n'aura aucune force pour les délivrer. Ta vie sera comme pendante devant toi et tu seras dans l'effroi nuit et jour. Tu diras le matin « Qui me fera voir le soir ? » Et le soir, tu diras, « Qui me fera voir le matin ?» Et toutes ces malédictions t'arriveront et te poursuivront et reposeront sur toi jusqu'à ce que tu sois exterminé, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a donnés. Ce sont ici les paroles de l'Éternel, reprit David en levant la tête. Il regardait Schmoule qui restait les yeux fixés sur la Bible et paraissait rêver profondément. « Maintenant, Schmoule, poursuivit-il, tu vas prêter serment sur ce livre en présence de l'Éternel qui t'écoute. Tu vas jurer qu'il n'a rien été convenu entre Christ et toi, ni pour le délai, ni pour les jours de retard, ni pour le prix de la nourriture des bœufs pendant ces jours. Mais garde-toi de prendre des détours dans ton cœur pour t'autoriser à jurer, si tu n'es pas sûr de la vérité de ton serment. Garde-toi de te dire, par exemple, en toi-même, « Ce Christ m'a fait tort, il m'a causé des pertes, il m'a empêché de gagner dans telle circonstance, ou bien il a fait tort à mon père, à mes proches, et je rentre ainsi dans ce qui me serait revenu naturellement, ou bien les paroles de notre convention avaient un double sens, il me plaît à moi de les tourner dans le sens qui me convient. » Elle n'était pas assez claire et je puis les nier. Ou bien, ce Christel m'a pris trop cher, ses bœufs valent moins que le prix convenu et je reste de cette façon dans la vraie justice qui veut que la marchandise et le prix soient égaux, comme les deux côtés d'une balance. Ou bien encore, aujourd'hui je n'ai pas la somme entière, plus tard je réparerai le dommage, ou toute autre pensée de ce genre. Non, tous ces détours ne trompent point l'œil de l'Éternel. Ce n'est point dans ses pensées, ni dans d'autres semblables que tu dois jurer. Ce n'est pas d'après ton propre esprit qui peut être entraîné vers le mal par l'intérêt qu'il faut prêter serment. Ce n'est pas sur ta pensée, c'est sur la mienne qu'il faut te régler. Et tu ne peux rien ajouter ni retrancher par ruse ou autrement à ce que je pense. Donc moi, David Zichel, j'ai cette pensée simple et claire. Schmoule a-t-il promis un florin à Christel pour la nourriture des bœufs qu'il a achetés? Et pour chaque jour de retard après la huitaine, l'a-t-il promis? S'il ne l'a pas promis à Christel, qu'il pose la main sur le livre de la loi et qu'il dise « Je jure non, je n'ai rien promis ». Schmoule, approche, étend la main et jure. Mais Schmoule, levant alors les yeux, dit « 30 florins ne sont pas une somme pour prêter un serment pareil. Puisque Christel est sûr que j'ai promis, moi, je ne me le rappelle pas bien. Je les payerai. » Et j'espère que nous resterons bons amis. Plus tard, il me fera regagner cela, car ces bœufs sont réellement trop chers. Enfin, ce qui est dû, et jamais Schmoule ne prêtera serment pour une somme encore 10 fois plus forte, à moins d'être tout à fait sûr. » Alors David, regardant Cobus d'un œil extrêmement fin, répondit « Et tu feras bien, Schmoule. Dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. » Le greffier avait inscrit le refus de serment. Il se leva, salua l'assemblée et sortit avec Schmoule qui, sur le seuil, se retourna et dit d'un ton brusque « Je viendrai prendre les bœufs demain à 8 heures et je payerai. »« C'est bon, » répondit Christel en inclinant la tête. Quand ils furent seuls, le vieux Rébé se mit à sourire. « Schmoule est fin, » dit-il, « mais nos vieux talmudistes étaient encore plus fins que lui. Je savais bien qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Voilà pourquoi je ne me suis pas habillé. Eh !» s'écria Fritz. « Oui, je le vois, vous avez du bon tout de même dans votre religion. »« Tais-toi, Epicaurus !» répondit David en refermant la porte et reportant la Bible dans l'armoire. « Sans nous, vous seriez tous des païens. C'est par nous que vous pensez depuis 2000 ans. Vous n'avez rien inventé, rien découvert. Réfléchis seulement un peu combien de fois vous vous êtes divisés et combattus depuis ces 2000 ans. Combien de sectes et de religions vous avez formées? Nous, nous sommes toujours les mêmes depuis Moïse. Nous sommes toujours les fils de l'Éternel. Vous êtes les fils du temps et de l'orgueil. Avec le moindre intérêt, on vous fait changer d'opinion. Et nous, pauvres misérables, tout l'univers réuni n'a pu nous faire abandonner une seule de nos lois. » Ces paroles montrent bien l'orgueil de ta race, dit Fritz. Jusqu'à présent, je te croyais un homme modeste en ses pensées. Mais je vois maintenant que tu respires l'orgueil dans le fond de ton âme. « Et pourquoi serais-je modeste ? » s'écria David en hasillant. « Si l'Éternel nous a choisis, n'est-ce point parce que nous valons mieux que vous ? » ?»« Tiens, tais-toi !» fit Cobus en riant. « Cette vanité, mes frères, je serais capable de me fâcher. »« Fâche-toi donc à ton aise, » dit le vieux Rébé. « Il ne faut pas te gêner. » « Non, j'aime mieux t'inviter à prendre le café chez moi vers 1 heure. Nous causerons, nous rirons, et ensuite nous irons goûter la bière de Mars. Cela te convient-il ? » ?»« Soit, » fit David, « j'y consens. Le chardon gagne toujours à fréquenter la rose. » Cobus allait s'écrier « Ah, décidément, c'est trop fort !» Mais il s'arrêta et dit avec finesse « C'est moi qui suis la rose. » Alors tous trois ne purent s'empêcher de rire. Christel et Fritz sortirent bras dessus, bras dessous, se disant entre eux « Est-il fin, ce Rébé David ? Il a toujours quelque vieux proverbe qui vient à propos pour vous réjouir. C'est un brave homme. » Tout se passa comme il avait été convenu. Christel et Cobus dînèrent ensemble. David vint au dessert prendre le café, puis ils se rendirent à la brasserie du Grand Cerf. Fritz était dans un état de jubilation extraordinaire, non seulement parce qu'il marchait entre son vieil ami David et le père de Suzel, mais encore parce qu'il avait une bouteille de Steinberg dans la tête, sans parler du Bordeaux et du Kirchenwasser. Il voyait les choses de ce bas monde comme à travers un rayon de soleil. Sa face charnue était pourpre et ses grosses lèvres se retroussaient par un joyeux sourire. Aussi, quel enthousiasme éclata lorsqu'il parut ainsi sous la toile grise en auvent à la porte du grand cerf. « Le voilà, le voilà » criait-on de tous les côtés, la chope haute. « Voici Cobus !» Et lui, riant, répétait « Oui, le voilà !» Il entrait dans les bancs et donnait des poignées de main à tous ses vieux camarades. Durant les 8 jours qui venaient de se passer, on se demandait partout « Qu'est-il devenu ? Quand le reverrons-nous ? » Et le vieux Krautheimer se désolait, car toutes ses pratiques trouvaient la bière mauvaise. Enfin, il s'assit au milieu de la jubilation universelle et fit asseoir le père Christel à sa droite. David alla regarder Frédéric Schultz, le gros Hahn, Speck et 5 ou 6 autres qui faisaient une partie de Rams à 2 Kreuzer la marque. On se mit à boire de cette fameuse bière de Mars qui vous monte au nez comme le vin de champagne. En face, à la brasserie des 2 clés, les hussards de Frédéric Wilhelm buvaient de la bière en cruchon. Les bouchons partaient comme des coups de pistolet. On se saluait d'un côté de la rue à l'autre, car les bourgeois de Hunebourg sont toujours bien avec les militaires, sans frayer pourtant ensemble, ni les recevoir dans leur famille, chose toujours dangereuse. À chaque instant, le père Christel disait « Il est temps que je parte, monsieur Cobus. Faites excuse, je devrais déjà être depuis 2 heures à la ferme. »« Bah !» s'écriait Fritz en lui posant la main sur l'épaule. « Ceci n'arrive pas tous les jours, père Christel. Il faut bien de temps en temps s'égayer et se dégourdir l'esprit. Allons, encore une chope !» Et le vieil anabaptiste, un peu gris, se rasseyait en pensant. « Cela fera la 6e, pourvu que je ne verse pas en route. » Puis il disait « Mais, monsieur Cobus, qu'est-ce que pensera ma femme si je rentre à moitié gris? Jamais elle ne m'aura vu dans cet état. » « Bah, bah, le grand air dissipe tout, père Christel. Et puis, vous n'aurez qu'à dire, monsieur Cobus l'a voulu. Suzel prendra votre défense. »« Ça, c'est vrai, » s'écriait alors Christel en riant. « C'est vrai, tout ce que dit et fait monsieur Cobus est bien. Allons, encore une chope. » Et la chope arrivait. Elle se vidait. La servante en apportait une autre, ainsi de suite. Or, sur le coup de 3 heures à l'église Saint-Sylvestre, et comme on ne pensait à rien, une troupe d'enfants tourna le coin de l'auberge du Cygne en courant vers la porte de Landau. Puis quelques soldats parurent, portant un de leurs camarades sur un brancard. Puis d'autres enfants en foule. C'était un roulement de pas sur le pavé qui s'entendait au loin. Tout le monde se penchait aux fenêtres et sortait des maisons pour voir. Les soldats remontaient la rue de la Forge du côté de l'hôpital et devaient passer devant la brasserie du Grand Cerf. Aussitôt les parties furent abandonnées. On se dressa sur les bancs. Hahn, Schultz, David, Cobus, les servantes, Krautheimer, enfin tous les assistants. D'autres accouraient de la salle et l'on se disait à voix basse « C'est un duel, c'est un duel !» Cependant le brancard approchait lentement. 2 hommes le portaient. C'était une civière pour sortir le fumier des écuries de la caserne de cavalerie. Le soldat couché dessus, les jambes pendantes entre les bras du brancard, la tête de côté sur sa veste roulée, était extrêmement pâle. Il avait les yeux fermés, les lèvres entr'ouvertes et le devant de la chemise plein de sang. Derrière venaient les témoins. Un vieux hussard à sourcils jaunâtres et grosses moustaches rousses en paraffe sur ses joues brunes. Il portait le sabre du blessé sous le bras, le baudrier jeté sur l'épaule et semblait tout à fait calme. L'autre, plus jeune et tout blond, était comme abattu. Il tenait le shako. Puis arrivaient 2 sous-officiers, se retournant à chaque pas, comme indignés de voir tout ce monde. Quelques hussards, devant la brasserie des 2 clés, criaient au vieux qui portait le sabre. « Rappel ! Hé ! Rappel ! » C'était sans doute leur maître d'armes, mais il ne répondit pas et ne tourna pas même la tête. Au passage des 2 derniers, Frédéric Schultz, en sa qualité d'ancien sergent de la Landwehr, s'écria du haut de sa chaise. « Hé, camarade ! Camarade ! » Un d'eux s'arrêta. « Qu'est-ce qui se passe donc, camarade ?»« Ça, mon ancien, c'est un coup de sabre en l'honneur de Mademoiselle Gredel, la cuisinière du bœuf rouge. »« Ah ! Oui, un coup de pointe en riposte et sans parade. » Elle est venue trop tard. et le cou apporté à deux lignes au-dessous du téton droit. Schultz allongea la lèvre. Il semblait tout fier de recevoir une réponse. On écoutait, penché autour d'eux. « Un vilain coup, » fit-il. « J'ai vu ça dans la campagne de France. » Mais le hussard, voyant ses camarades entrer dans la ruelle de l'hôpital, porta la main à son oreille et dit « Faites excuse !» Alors il rejoignit sa troupe. Et Schultz, promenant un regard satisfait sur l'assistance, se rassit en disant « Quand on est soldat, il faut tirer le sabre. Ce n'est pas comme les bourgeois qui s'assomment à coups de poing. » Il avait l'air de dire « Voilà ce que j'ai fait 100 fois. » Et plus d'un l'admirait. Mais d'autres, en grand nombre, gens raisonnables et pacifiques, murmuraient entre eux. « Est-il possible que des hommes se tuent pour une cuisinière ? C'est tout à fait contre nature. Cette Grédel mériterait d'être chassée de la ville à cause des passions funestes qu'elle excite entre les hussards. » Fritz ne disait rien. Il semblait méditatif et ses yeux brillaient d'un éclat singulier. Mais le vieux Rebbe, à son tour, s'étant mis à dire « Voilà comment des êtres créés par Dieu se massacrent pour des choses de rien. » Tout à coup, il s'emporta d'une façon étrange. « Qu'appelles-tu des choses de rien, David ? » s'écria-t-il d'une voix retentissante. « L'amour n'a-t-il pas inspiré, dans tous les temps et dans tous les lieux, les plus belles actions et les plus hautes pensées ? N'est-il pas le souffle de l'Éternel lui-même, le principe de la vie, de l'enthousiasme, du courage et du dévouement ? Il t'appartient bien de profaner ainsi la source de notre bonheur et de la gloire du genre humain. Ôte l'amour à l'homme, que lui reste-t-il ? L'égoïsme, l'avarice, l'ivrognerie, l'ennui et les plus misérables instincts. Que fera-t-il de grand ? Que dira-t-il de beau ? Rien, il ne songera qu'à se remplir la panse. » Tous les assistants s'étaient retournés, ébahis de son emportement. Han le regardait de ses gros yeux par-dessus l'épaule de Schultz, qui lui-même se tordait le cou pour voir si c'était bien Cobus qui parlait, car il ne pouvait en croire ses oreilles. Mais Fritz ne faisait nulle attention à ces choses. « Voyons, David, » reprit-il en s'animant de plus en plus, « quand le grand Homérus, le poète des poètes, nous montre les héros de la Grèce qui s'en vont par centaines sur leurs petits bateaux, pour réclamer une belle femme qui s'est sauvée de chez eux, traverse les mers et s'extermine pendant 10 ans avec ce d'Asie pour la ravoir. Crois-tu qu'il ait inventé cela ? Crois-tu que ce n'était pas la vérité qu'il disait ? Et s'il est le plus grand des poètes, n'est-ce pas parce qu'il a célébré la plus grande chose et la plus sublime qui soit sous le ciel, l'amour ? Et si l'on appelle le chant de votre roi Salomon le cantique des cantiques, « n'est-ce pas aussi parce qu'il chante l'amour plus noble, plus grand, plus profond que tout le reste dans le cœur de l'homme ? Quand il dit dans ce cantique des cantiques, « Ma bien-aimée, tu es belle comme la voûte des étoiles, agréable comme Jérusalem, redoutable comme les armées qui marchent, leurs enseignes déployées, est-ce qu'il ne veut pas dire que rien n'est plus beau, plus invincible et plus doux que l'amour ? Et tous vos prophètes n'ont-ils pas dit la même chose ? Et depuis le Christ, l'amour n'a-t-il pas converti les peuples barbares ? N'est-ce pas avec un simple ruban rose qu'il faisait d'une espèce sauvage un chevalier ? Si de nos jours tout est moins grand, moins beau, moins noble qu'autrefois, n'est-ce pas parce que les hommes ne connaissent plus l'amour véritable et qu'ils se marient pour de l'argent ? Eh bien moi, David, entends-tu ? Je dis et je soutiens que l'amour vrai, l'amour pur est la seule chose qui change le cœur de l'homme, la seule qui l'élève et qui mérite qu'on donne sa vie pour elle. Je trouve que ces hommes ont bien fait de se battre, puisque chacun ne pouvait renoncer à son amour sans s'en reconnaître lui-même indigne. « Eh ?» s'écria Han à l'autre table. « Comment peux-tu parler de cela, toi ? Tu n'as jamais été amoureux ? Tu raisonnes de ces choses comme un aveugle des couleurs. » Fritz, à cette apostrophe, resta tout interdit. Il regarda Han d'un œil terne, ayant l'air de vouloir lui répondre, et bredouilla quelques mots confus en avalant sa chope. Plusieurs alors se mirent à rire, mais aussitôt Cobus, relevant sa grosse tête, dont les cheveux s'ébouriffaient comme s'ils eussent été vivants, s'écria d'un air étrange. « C'est vrai, je n'ai jamais été amoureux. Mais si j'avais eu le bonheur de l'être, je me serais fait massacrer plutôt que de renoncer à mon amoureuse ou j'aurais exterminé l'autre. Oh, oh !» fit Han d'un ton un peu moqueur en battant les cartes. « Oh, Kobus, tu n'aurais pas été si féroce !»« Pas si féroce » dit-il les deux mains écarquillées. « Nous sommes de vieux amis, n'est-ce pas, Han ? Eh bien, si j'étais amoureux et si tu me paraissais seulement convoité par la pensée, celle que j'aurais choisie, je t'étranglerais !» En disant cela, ses yeux étaient rouges. Il n'avait pas l'air de plaisanter. Les autres non plus ne riaient pas. « Et, ajouta-t-il en levant le doigt, je voudrais que toute la ville et le pays à la ronde eussent un grand respect pour mon amoureuse, quand même elle ne serait pas de mon rang, de ma condition et de ma fortune. Le moindre blâme sur elle deviendrait la cause d'une terrible bataille. » « Alors, dit Han, Dieu fasse que tu ne tombes jamais amoureux. « Car tous les hussards de Frédéric Wilhelm ne sont pas morts. Plus d'un courrait la chance de mourir si ton amoureuse était jolie. » Les sourcils de Fritz tressaillirent. « C'est possible, » fit-il en se rasseyant, car il s'était dressé. « Moi, je serais fier, je serais glorieux de me battre pour une si belle cause. N'ai-je pas raison, Christel ?»« Tout à fait, monsieur Kobus, » dit l'anabaptiste un peu gris. « Notre religion est une religion de paix, mais dans le temps, lorsque j'étais amoureux d'Orschel, oui, Dieu me le pardonne, j'aurais été capable de me battre à coups de faux pour l'avoir. Grâce au ciel, il n'a pas fallu répandre de sang. J'aime bien mieux n'avoir rien à me reprocher. » Fritz, voyant que tout le monde l'observait, comprit l'imprudence qu'il venait de commettre. Le vieux Rebbe David, surtout, ne le quittait pas de l'œil et semblait vouloir lire au fond de son âme. Quelques instants après, le père Christel s'étant écrié pour la 20e fois « Mais, monsieur Kobus, il se fait tard, on m'attend, Orschel et Suzu doivent être inquiètes. » Il lui répondit enfin « Oui, maintenant il est temps, je vais vous reconduire à la voiture. » C'était un prétexte qu'il prenait pour se retirer. L'anabaptiste se leva donc disant « Oh, si vous aimez mieux rester, je trouverai bien le chemin de l'auberge tout seul. » « Non, je vous accompagne. » Ils sortirent du banc et traversèrent la place. Le vieux David partit presque aussitôt qu'eux. Fritz, ayant mis le père Christel en route, rentra chez lui prudemment. Ce jour-là, au moment de se coucher, Zurle, voyant le vieux Rebbe murmurer des paroles confuses, cela lui parut étrange. « Qu'as-tu donc, David ? » lui demanda-t-elle. « Je te vois parler tout bas depuis le souper. À quoi penses-tu ? » « C'est bon, c'est bon. » fit-il en se tirant la couverture sur la barbiche. « Je rêve à ces paroles du prophète. J'ai été jaloux pour Eva d'une grande jalousie. Et à celle-ci, en ces temps arriveront des choses extraordinaires, des choses nouvelles et heureuses. Pourvu que ce soit à nous qui les songeons en disant cela, » répliqua Zurle. « Amen, » fit le vieux Rebbe. « Tout vient à point à qui sait attendre. Dormons en paix. »